بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد وهو المرور بين يدي المصلي qui est le fait de passer devant celui qui fait la salat entre lui et sa sutra. Entre lui et sa sutra. La sutra, c'est l'objet que l'on met devant soi pour justement laisser une distance, un périmètre, on va dire, de sécurité pour pas que les gens passent devant nous dans la salat. Et ça, cela va venir dans le hadith qui suit, Inch'Allah. يقول في الحديث الثالث بعد المئة son troisième hadith. عن أبي جحيم ابن الصم الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وقال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Donc selon Abu Juhaym ibn Samma al-Ansari, qui est un auxiliaire, radiallahu anhu, parmi les gens de la Médina, il a dit que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si jamais celui qui passe devant, celui qui accomplit la salat, savait ce qu'il commettait, c'est-à-dire comme péché, il lui serait préférable de s'arrêter 40 plutôt que de passer devant lui. » Et Abu Nadr, il a dit, je ne sais pas s'il a dit 40 jours, 40 mois ou 40 ans. Naam. A préciser que dans le hadith, il dit min al-ithm, ce qu'il endosse comme péché. Le mot péché à la base, c'est un ajout qui n'est pas présent dans les deux sahih, ni chez Bukhari, ni chez Muslim, mais dans d'autres versions du hadith. Yaqul fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Arawi Abu Juhaym, wa yuqal lahu Abu Jahm, Abdullah ibn al-Harith, ibn Sammal al-Ansari al-Najjari. صحابي معروف وهو ابن أخت أبي بن كعب رضي الله عنه توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه. Donc justement صحابي qui est Abu Juhaym, on l'appelle également Abu Jahm, Abdullah ibn Harith. C'était un sahabi qui était connu, il est le fils de la sœur de Ubay ibn Ka'b, c'est-à-dire son neveu. Et qu'il est mort lors du califat de Muawiya. Qui est lui après Omar ibn al-Aziz. Yaqul mawdu' al-hadith, sujet du hadith, bayyin hukm al-murur bayna yaday al-musalli, qui vient pour montrer le jugement de passer devant celui qui fait la salat, de passer devant lui. Yaqul fi sharh al-ijmali, explication globale du hadith. Yukhbiru Abu Juhaym ibn al-Harith radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam أنه حذر من المرور بين يدي المصلي. Donc le sahabi Abu Juhaym ibn al-Harith informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti qu'il ne fallait pas passer devant celui qui fait la salat, devant lui. بين المر ولو يعلم ماذا عليه ببروره لكان وقوفه منتظرا فراع المصلي من صلاته 40 خيرا له من أن يمر بين يديه فيحصل له que si jamais celui qui faisait cette action-là, c'est-à-dire de passer devant celui qui fait la salat, s'il savait le mal qu'il encourt en faisant cela, il préférait justement passer, attendre 40. Et comme dans le hadith, on ne sait pas si c'est 40 ans, 40 heures, ou 40 jours, ou 40 mois, ou à Kaza. Mais que Cheikh Othaymine penche pour que ce soit 40 ans, comme cela était venu dans d'autres versions, dans autres que les deux recueils authentiques, qui a été dit que cela indique qu'il s'agit d'années. Donc ce qui prouve que c'est une chose qui n'est pas simple. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit il serait mieux que tu attendes 40 ans plutôt que de passer devant quelqu'un qui fait la salat, c'est une chose qui n'est pas simple. Ce n'est pas un simple petit péché. Allahu ta'ala alam. Donc il dit min fawaid al-hadith, enseignement utile du hadith, tahrim al-murur bayna yaday al-musalli. Qu'il est l'interdiction de passer devant celui qui fait la salat. Thaniyan أن على المرء إثما عظيما ولو علمه لاختار أن يقف 40 سنة ولا يمر. Que celui qui fait cela endosse un grand péché, car s'il savait, il aurait préféré s'arrêter 40 ans plutôt que de passer devant lui. Et comme on dit, 40 ans, c'est la vie de Cheikh Al-Uthaymeen. Il voit que c'est 40 ans. ثالثا تعظيم حرمة المصلي وحيلولة بينه وبين قبلته. Ce qui montre justement la grandeur, la sacralisation justement de celui qui fait la salat. Et le respect qu'il faut avoir, qu'il y a entre lui et la Qibla, à ne pas passer devant lui. Non. Après, dans d'autres hadiths, c'est venu que si jamais il a dit, Samik, maintenant, quelqu'un, tu fais la salat, il veut passer, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu le repousses, légèrement, lui faire comprendre qu'il n'a pas le droit. Et s'il insiste, alors à ce moment-là, tu le pousses plus fort. Il te permet d'être un peu plus brusque. Il a dit car c'est un shaitan. Celui qui insiste, alors qu'il a vu que tu la salat, et qui est entre toi et la salat, une soutra, et qui veut passer devant toi, malgré tout, alors que tu le repoussais, c'est que c'est un shaitan, donc lui, tu peux le combattre. Et quand on dit le combattre, ce n'est pas tu te bagarres avec lui ou quoi, c'est tu le pousses plus fort, en fait. Lui faire comprendre qu'il ne passera pas. Aussi, si la personne passe devant toi malgré tout, il ne coupe pas la salat. Les trois choses qui coupent la salat de la personne, c'est la femme qui passe devant lui, femme adulte, l'âne et le chien noir. Ces trois-là, s'ils passent devant la personne qui fait la salat, ils doivent recommencer la salat. Et quant au hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat et que Aïcha était devant lui, à tel point qu'il touchait ses pieds, justement, c'est expliqué comme quoi qu'elle ne passait pas devant lui, elle était devant lui allongée. Là, on parle du fait de passer devant quelqu'un. C'est-à-dire, elle est d'un endroit, elle va vers un autre endroit, elle passe devant toi, la femme. À ce moment-là, tu auras coupé ta salat. Et maintenant, elle est juste devant toi, assise, allongée. Ça, c'est un autre jugement. D'accord? C'est un autre jugement. هذا الذي أردنا اليوم من هذا الحديث والحمد لله رب العالمين